Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Nous mettons maintenant cap au sud, au Panama, pour une enquête archéologique avec Marie-Claude Dion. Et très bizarrement, cette enquête archéologique commence avec une histoire de surfeur et de kayakiste. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Oui, alors ce soir, je vais parler d'une malformation, si on veut, qui a beaucoup intrigué l'archéologue Nicole Smith-Guzman l'année dernière, soit là, en 2018. Elle, en examinant un crâne qui provenait d'un site archéologique précolombien, donc qui date d'avant l'arrivée de Christophe Colomb au Panama, l'archéologue spécialiste en anthropologie physique a remarqué l'exostose du surfeur. François, est-ce que tu connais l'exostose du surfeur? Pas du tout. En fait, c'est une formation de l'os dans le conduit auditif externe, donc dans l'oreille. C'est une réaction de défense de l'organisme contre une agression extérieure. Hein, tout simplement, c'est une affection de l'oreille qui est normalement la conséquence d'un mélange d'eau froide, de vent et de vagues. Et les surfeurs en sont les principaux affectés, d'où le nom. Mais les kayakistes et les nageurs en eau froide y sont également sujets. Et est-ce qu'on sait comment ces croissances osseuses se forment? Pas exactement, mais au départ, il faut savoir que l'os, c'est un tissu qui est quand même assez dynamique, donc il va répondre aux stimuli externes. Mm-hmm. Et par ailleurs, la peau est quand même assez mince, qu'on y pense, dans le conduit auditif. Alors peut-être que l'eau froide et les vents vont faire réagir l'os de manière à vouloir créer des couches en extra pour protéger l'oreille interne. Mm-hmm. Au final, ce qui est intéressant pour un archéologue, c'est que puisque les os répondent à des stimuli externes, la structure osseuse humaine peut ainsi donner des bons indices pour connaître, entre autres, à quel endroit et comment une personne a vécu et également comment et où elle a décédé. On pourrait penser aussi que la déformation est due par une infection. Est-ce que cette possibilité a déjà été envisagée par les chercheurs? En fait, c'est vrai que les infections fongiques ou bactériennes auraient pu causer une déformation dans l'oreille des individus qui ont été retrouvés dans des sépultures. Et c'est d'ailleurs une condition qui existe, qui est assez courante dans les tropiques. Et Smith-Guzman a écarté cette possibilité-là, puisque si ça avait été des infections, on aurait dû les retrouver chez d'autant d'hommes que de femmes. Ils auraient été également répartis. Exactement, mais c'est pas présentement le cas avec les 8 crânes qui ont été étudiés. Et ce qui peut sembler un peu bizarre, c'est que le Panama est quand même un pays chaud, donc pas vraiment un endroit où on s'attend à avoir des eaux froides. Mmh, c'est vrai, c'est en effet bizarre. Mais au départ, il faut quand même que je vous parle un petit peu plus sur ce qui a été trouvé. Ouais. Parce que si oui, l'archéologue Smith-Guzman va trouver un crâne sur un site localisé là, en particulier, elle va demander de l'aide à un zooarchéologue du nom de Richard Cook. Et lui va lui fournir d'autres exemplaires de crânes qui proviennent, eux, de d'autres sites archéologiques, mais toujours situé au Panama. Okay. L'échantillonnage va contenir plus d'une centaine, on parle de 125 crânes qui ont été tirés en tout et partout de 9 sépultures différentes. Et à l'époque de leur découverte, Richard Cook ne se sentait pas vraiment apte à les étudier et les avait mis de côté pour qu'une personne plus connaissant de l'anatomie humaine les examine plus en détail. Mm-hmm. Car lui aussi avait d'ailleurs noté la présence de l'exostose du surfeur sans trop savoir là, qu'est-ce qu'il en était réellement. Dans l'ensemble des crânes découverts, donc on a 8 individus qui présentent des signes d'une excroissance osseuse dans le canal auditif, et chez ces 8 individus, il y avait 7 hommes, donc on se retrouve avec une seule femme. Mmh. Et ces 8 individus proviennent tous d'un endroit précis au Panama. Même si c'est pas tout le même site archéologique, tous ces sites-là vont border le golfe du Panama. Okay. Et là, c'est ici que ça devient un peu plus intéressant d'explorer la géographie, ou pour être plus précis, je devrais parler de l'hydrographie. Parce qu'elle va pouvoir nous offrir quelques éléments de réponse pour expliquer le phénomène, la présence de ce phénomène-là en question. Essentiellement, on se retrouve devant le phénomène de la remontée des eaux, qu'on connaît des fois aussi en son terme anglais, qui est le upwelling. Okay. Et contrairement à la majorité des pays tropicaux, où l'eau salée, elle est chaude, mais la température de l'eau qui se retrouve dans le golfe du Panama va baisser entre les mois de janvier et avril, lorsqu'on trouve des vents qui sont forts, qui proviennent du nord et qui vont forcer toute l'eau chaude à la surface qui va se déplacer vers l'océan Pacifique. Et c'est à ce moment-là que nécessairement l'eau froide qui est des bas-fonds va remonter à la surface pour remplacer le mouvement vers l'océan de l'eau chaude. Et cette remontée des eaux-là froides, elle est toujours systématiquement accompagnée d'une importante quantité de nutriments. Donc, si cette remontée d'eau apporte annuellement son lot de nutriments, alors On peut supposer que le mode de subsistance de ce peuple était peut-être la pêche. Exactement. C'est vraiment le cas. Et concrètement, pour les pêcheurs, la remontée des eaux va se traduire par une augmentation importante du nombre de poissons, mm-hmm. avec tout le nutriment. Et d'après les études de Richard Cook, ce zooarchéologue que j'ai parlé plus tôt, les peuples précolombiens de la région du Panama vont pratiquer principalement ce mode de subsistance-là. Donc, il y a vraiment une corrélation à faire. Et les gens pêchaient à partir de bateaux qui longeaient les côtes du Panama, autant celles qu'on retrouve du côté du Pacifique que celles qui donnent sur la mer des Caraïbes. Mais toutefois, la pêche en soi, quand on y pense, surtout telle qu'elle est présentée par Cook, n'explique pas comment un pêcheur pourrait être atteint de l'exostose du surfeur, parce qu'a priori, les pêcheurs ne vont pas plonger pour aller chercher leurs poissons à main nue. Ils mm-hmm. vont plutôt utiliser des filets. D'accord. À moins de plonger pour pêcher. Oui, c'est ce qui est en fait possible. Et là, on pense à la pêche à la perle, qui nécessite d'aller dans les fonds marins et à la main nue. Ah. Et d'ailleurs, on va retrouver plusieurs ornements qui sont faits à partir de coquillages, du nacre, mm-hmm. Qu'on retrouve autant dans les sépultures que sur les sites archéologiques de façon générale, parce que le nacre faisait partie aussi des items qui étaient très recherchés pour le commerce par le troc. Et finalement, il y a plusieurs explorateurs qui datent de l'époque de Christophe Colomb qui vont indiquer dans leurs journaux de bord et leurs cahiers de voyage que les plongeurs experts à la pêche à la perle avaient été entraînés dès la petite enfance. Il y avait là une bonne industrie qui était assez payante, donc on allait solliciter les meilleurs plongeurs pour aller chercher les coquillages qui pouvaient cacher les plus grosses perles. Et on peut sans doute penser que cette activité était pratiquée principalement par des hommes. Oui, oui, pour mm-hmm. corroborer essentiellement l'assemblage retrouvé par l'archéologue Smith Guzman, on pourrait très bien faire ce lien-là. Il est donc possible que la pêche à la perle avait été une activité, ce qui veut, genrée, donc mm-hmm. attribuée aux hommes, le cas échéant. Ceci est justement le cas au Venezuela, à la première moitié du 16e siècle pour la pêche à la perle dans les environs de l'île de Margarita. C'est ce qu'on retrouve dans les écrits, dans la littérature. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, parce que si on regarde d'autres études archéologiques, il y en a une, cette fois-ci, qui a été faite dans les îles Kalinri, va présenter des cas de l'exostose du surfeur à nombre égal entre hommes et femmes. Okay. Dans un échantillonnage d'ailleurs qui est beaucoup plus élevé, on parle de 150 crânes étudiés et qui présentaient l'exostose du surfeur. C'est plus que 8, là. Exactement. Donc, on peut pas facilement écarter la présence d'une activité qui se veut entièrement genré pour le Panama, mais encore une fois, la littérature qui provient du 17e, du 16e siècle aussi, va nous informer qu'il y avait quand même une prédominance pour le Venezuela d'hommes plongeurs, mais qui n'empêche pas qu'il y avait quand même quelques femmes. Donc, c'est sûr qu'il va être nécessaire dans le futur pour avoir un peu leur juste, c'est d'approfondir cette question-là par d'autres recherches, autant archéologiques qu'anthropologiques, là, sur la question de la culture de ces peuples précolombiens. Et ailleurs aussi, là, on parle du Panama, mais ça vaut la peine d'être exploré partout à travers le monde, afin de mieux connaître quel est le type d'économie, mais aussi la vie sociale, tout ce que ça peut, en fait... comporter. Exactement. Oui. Et pour conclure, la découverte de l'archéologue Smith Guzman démontre comment un si petit élément peut prendre une si grande ampleur lorsqu'on commence à l'étudier. C'est incroyable. Hein? Oui, parce que là, l'exostose, c'est pas seulement qu'un symptôme d'une activité physique, elle est aussi un vecteur de connaissances majeures concernant autant les activités socio-économiques d'un peuple, la division potentiellement genrée d'un travail ou d'une activité et les conditions environnementales aussi. Oui, et je dirais que c'est justement ce qui est fascinant en archéologie, c'est comment à partir de petits détails, les archéologues remontent l'histoire. Oui. Merci beaucoup, Marie-Claude.